Leçon 10. Vacances en Bretagne. Mireille, ses sœurs, son cousin Georges et sa cousine Yvonne sont en vacances en Bretagne. Il pleut. Ils jouent au portrait pour passer le temps. Oh, quel temps, c'est pas vrai. Ça fait 3 jours qu'il pleut. Dire qu'à Paris, il fait beau, ça c'est bien l'absence. Alors, Mireille, qui? C'est bien la personne dans le portrait de Georges tout à l'heure. Il a l'air distingué, les mains fines, les yeux bleus, les cheveux blonds, tout le portrait de sa deuxième fille. Tu nous embêtes. Mais je veux savoir qui c'est. Bon, regarde Mireille. Ouais. Elle a l'air distinguée? Ouais. Est-ce qu'elle a les mains fines? Ouais. Est-ce qu'elle a les yeux bleus? Ouais. Est-ce qu'elle a les cheveux blonds? Oui. Alors c'est Mireille. Est-ce qu'il peut être bête? Écoute, tout le portrait de sa deuxième fille. Est-ce que Mireille a des filles? Ben non. Alors c'est pas Mireille. C'est quelqu'un qui a une fille, qui a l'air distingué, les mains fines, les yeux bleus, les cheveux blonds, comme Mireille. Alors c'est maman? Voilà, c'est ça. Ah. Alors on continue? Oh, ça suffit comme ça. Non, j'aime bien. Oh, c'est difficile, mais c'est amusant. Bon, alors écoute. Son œil droit regarde du côté de Brest. Son œil gauche regarde vers Bordeaux. Oh là là, qu'elle est méchante. Ce pauvre oncle Victor, il ne louche presque pas. Qui c'est? Oncle Victor? Pourquoi? Parce que l'oncle Victor louche un peu. Ses yeux ne regardent pas exactement dans la même direction. C'est tout. Bon, à moi maintenant. Il a le nez droit. Il est toujours rasé de près. Il a même la tête rasée. Sans doute pour cacher qu'il va être chauve. L'oncle Henri, trouve-t-il ton portrait? Bon, à moi maintenant. Un peu de moustache, une grande bouche, mais pas de menton. Et elle parle toujours de son mari défunt. Pas la peine de continuer, c'est la tante Amélie. Ils sont tous trop faciles, vos portraits. Je vais faire le suivant. Attention, ça va être plus difficile. Les oreilles décollées, de grosses lunettes, une barbe énorme, des moustaches tombantes, et surtout un nez immense, monumental. Il n'est pas très joli, ton bonhomme. Je ne vois pas. De la pierre, notre prof de maths. Oh, mais c'est pas du jeu. On le connaît pas, nous, ton prof de maths. Il n'est pas de la famille. Heureusement qu'il n'est pas de la famille. Il est bête comme ses pieds. Il n'y a pas plus vache. Bon, dis-moi, je trouve que ça suffit comme ça. Ça fait 2 heures qu'on joue à ce jeu idiot. Tiens, qu'est-ce qu'on joue au ciné-club ce soir? Marie-Laure, regarde dans le journal. Je regarde. Quoi? Ce qu'on donne au cinéma ce soir. Tu es sûre de quoi? Regarde, il y a des nouveaux films. Ce soir, on joue Le génie de Claire. Le génie de Claire? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu ne sais pas lire? Ce n'est pas Le génie de Claire, c'est Le genou de Claire, idiote. D'Éric Rohmer. Tout le monde connaît ça, c'est un vieux film. Le genou de Claire. Il faut dire que c'est un drôle de titre. Et pourquoi pas Le pied de Claire ou La cheville de Claire? Ou l'orteil de Claire? Salut tout le monde! Alors qu'est-ce que vous faites? Ça fait 1 heure qu'il ne pleut plus. Il ne pleut plus? Ah non? Pas possible. Si, si, je t'assure, ça se lève. Alors, vous venez faire de la voile? Non mon vieux, pas aujourd'hui. Aujourd'hui on fait la sieste. Attendez-moi Jean-Denis. Moi je viens si vous voulez. Oh là là, quelle sportive! Tiens, on pensera qu'on va mieux.